Japon, les remords de Tajima Shume par Algernon Bertram Mitford. Il y avait une fois un ronin nommé Tajima Shume, homme intelligent et lettré qui, dans le cours de ses voyages pour voir le monde, s'était mis en route pour Kyoto par le Tokaido. La route de la côte orientale, la fameuse grande route qui conduit de Kyoto à Yedo. Ce nom est aussi employé pour désigner les provinces par lesquelles elle passe. Un jour, dans les environs de Nagoya, province d'Owari, il rencontra un religieux avec lequel il lia conversation. Comme il se trouva que l'un et l'autre se rendaient au même lieu, ils convinrent de voyager ensemble, tout en trompant de leur mieux la longueur du chemin par d'agréables causeries sur diverses matières. Il arriva ainsi que, la confiance s'établissant de plus en plus entre eux, ils se mirent à parler sans contrainte de leurs affaires privées. Le religieux, ayant foi entière dans l'honorabilité de son compagnon, lui conta l'objet de son voyage. Depuis un certain temps, dit-il, je nourris un désir qui absorbe toutes mes pensées. J'ai résolu d'ériger une statue de métal en l'honneur de Bouddha. À cette fin, j'ai parcouru diverses provinces en recueillant des aumônes et j'ai réussi, au prix de quelques peines, vous pouvez l'imaginer, à amasser 200 onces d'argent, somme suffisante, j'aime à le croire, pour élever une belle statue de bronze. Que dit le proverbe ? Qui porte sur soi un joyau porte un poison. À peine le ronin eut-il entendu la confidence du religieux que de mauvaises pensées naquirent en sa cervelle. Un ronin était, dans le Japon médiéval, un samouraï sans maître. La vie de l'homme, se dit-il à lui-même, est du berceau à la tombe faite de bonnes et de mauvaises chances. Me voici à près de 40 ans, errant à l'aventure, sans situation et sans espoir même d'avancer dans le monde. C'est honteux. Cependant, si je pouvais m'approprier l'argent dont ce religieux fait étalage, je pourrais vivre à l'aise pour le reste de mes jours. Ce disant, il se mit à réfléchir à la façon dont il pourrait bien s'y prendre pour arriver à son but. Le religieux, lui, loin de soupçonner la tournure des pensées de son camarade, continua à cheminer gaiement jusqu'au moment où ils atteignirent la ville de Kuwana. À ce point, la route est coupée par un bras de mer qu'on traverse dans des bacs qui partent chaque fois qu'il y a 20 ou 30 passagers réunis. Dans l'un de ces bateaux, nos deux voyageurs s'embarquèrent. À moitié chemin, à peu près de la traversée, le religieux fut pris d'un pressant besoin d'aller s'appuyer au bordage du bateau. Le ronin le suivit, lui donna une poussée, tandis que personne ne regardait, et l'envoya à la mer. Quand les bateliers et les passagers entendirent le bruit du plongeon et virent le religieux se débattre dans l'eau, ils eurent grand-peur et firent 1000 efforts pour le sauver. Mais le vent était vif et le bateau filait rapidement sous ses voiles gonflées, de sorte qu'ils furent bientôt à quelques centaines de brasses de l'homme en détresse, lequel s'enfonça avant que le bateau eût pu l'approcher. Lorsqu'il vit ce dénouement, le ronin simula le plus profond chagrin. « Ce religieux que nous venons de perdre, dit-il aux autres passagers, était mon cousin. Il allait à Kyoto pour visiter le sanctuaire de son protecteur, et comme il se trouvait que j'avais également affaire en ce lieu, nous avions arrangé de voyager ensemble. Hélas, à présent, Mon malheureux cousin est mort et me voilà seul. » Il avait l'air si sincère, il pleurait si abondamment que les passagers, persuadés qu'il disait vrai, le plaignaient et essayaient à qui mieux de le consoler. Alors le rusé ronin dit au batelier : « La loi nous oblige à dénoncer l'accident aux autorités, mais comme je suis, moi, pressé par le temps, et que l'affaire pourrait vous causer à vous-même des embarras, nous ferons peut-être mieux de garder le silence pour le moment. Je vais aller immédiatement à Kyoto informer de l'événement le protecteur de mon cousin. Qu'en pensez-vous, messieurs ? » ajouta-t-il en se tournant vers les autres voyageurs. Ceux-ci, enchantés naturellement d'éviter cette anicroche, acclamèrent unanimement la proposition du ronin et l'affaire fut arrangée en conséquence. Lorsqu'enfin on atteignit la côte, chacun quitta le bateau et poursuivit son chemin. Ainsi tiré d'affaire, le ronin, le cœur léger, prit le bagage du religieux disparu et, le mettant avec le sien, continua son voyage à Kyoto. En arrivant à la capitale, notre homme changea son nom de Shume en celui de Tokubai et, abdiquant sa position de samouraï, il se fit marchand et entreprit le commerce avec l'argent du mort. Puis, la fortune favorisant ses spéculations, il commença à amasser des richesses et il vécut largement, sans se rien refuser. Avec le temps, il se maria et eut un enfant. Ainsi s'écoulèrent les jours et les mois. Un beau soir d'été, 3 ans environ après la mort du religieux, Tokubei, sous la véranda de sa maison, respirait l'air frais et jouissait de la beauté du clair de lune. L'isolement aidant, il commençait à ressasser dans son esprit toutes sortes de choses, quand tout à coup le souvenir du crime qu'il avait commis jadis lui revint palpitant à la mémoire, et il pensa en lui-même : « Me voici devenu riche, après m'être engraissé de l'argent que j'ai délibérément volé. Depuis lors, tout m'a réussi. Cependant, si je n'avais pas été pauvre, je ne serais jamais devenu assassin ni voleur. Quel malheur qu'il en ait été ainsi !» Et, comme il retournait la matière dans sa tête, le remords le prit et continua de l'étreindre, quoi qu'il fît pour s'en délivrer. Tandis que sa conscience le harcelait ainsi, il aperçut soudain, à son grand étonnement, la silhouette d'un homme debout près d'un sapin dans le jardin. En regardant plus attentivement, il vit que le corps de cet homme était amaigri et usé, ses yeux creux et voilés et, horreur, dans le fantôme qui était devant lui, il reconnut la personne même du religieux qu'il avait jeté à la mer Akuana. Glacé d'épouvante, il regarda encore et il vit que le religieux lui souriait avec un air de mépris. Il eût voulu fuir la place et rentrer dans la maison, mais le fantôme étendit son bras décharné et, le saisissant à la nuque, lui lança un regard sinistre, si plein de menaces et respirant tellement la vengeance que tout homme ordinaire en fut de frayeur tombé en syncope. Mais Tokubei, tout commerçant qu'il était, avait été autrefois soldat et ne s'effrayait pas facilement. Il se débarrassa de l'étreinte du fantôme et, sautant dans la chambre et s'armant de son poignard, il attaqua le spectre assez résolument. Mais il avait beau frapper, celui-ci, s'évanouissant dans l'air, éludait les coups, puis reparaissait soudain pour s'évanouir de plus belle. À partir de ce moment, le malheureux ne connut plus de repos et fut hanté nuit et jour par la terrible apparition. À la fin, exténué par cette incessante poursuite, Tokubei tomba malade. « Malheur à moi, malheur à moi !» murmurait-il sans cesse. « Voici que le religieux errant vient me torturer. » En entendant ses plaintes et le bruit qu'il faisait, les personnes de la maison le crurent fou et appelèrent un médecin qui se mit en devoir de le traiter. Mais ni potion ni pilule ne pouvaient guérir Tokubei, dont l'étrange hallucination devint bientôt le sujet des conversations de tout le voisinage. Or, il advint que l'histoire arriva aux oreilles d'un certain religieux errant qui habitait la rue voisine. Quand il entendit les détails de l'affaire, le religieux en question hocha gravement la tête, comme s'il en savait plus long que tout le monde, et il envoya un ami chez Tokubei pour lui dire qu'un religieux errant, demeurant tout près, avait entendu parler de sa maladie et que, si grave qu'elle fût, il voulait entreprendre de le guérir au moyen de ses prières. À ce discours, la femme de Tokubei, qui, en raison de la maladie de celui-ci, ne savait plus où donner de la tête, envoya séance tenante chercher le religieux et l'introduisit tout aussitôt dans la chambre du malade. Mais Tokubei n'eut pas plutôt aperçu l'étranger qu'il se mit à crier « Au secours! Au secours! Voici le religieux errant qui vient me tourmenter de nouveau! Grâce! Grâce !» Et, se cachant la tête sous les couvertures, il fut pris d'un tremblement nerveux général. Alors le religieux fit sortir tout le monde de la chambre et, collant ses lèvres à l'oreille de l'homme terrifié, il lui murmura tout bas ces paroles. « Il y a 3 ans, au bac de Kuana, vous m'avez jeté à l'eau, vous vous en souvenez bien. » Mais Tokubei, incapable de proférer une syllabe, ne fit que trembler davantage. « Heureusement, continua le religieux, j'avais appris à nager dans mon enfance. Je pus ainsi gagner le rivage, et après avoir erré dans beaucoup de provinces, j'ai réussi à élever une statue de bronze à Bouddha, accomplissant ainsi le vœu de mon cœur. À mon retour, j'ai pris gîte dans une maison de la rue voisine où l'on m'a parlé de votre singulière maladie. Pensant que j'en pouvais deviner la cause, je suis venu vous voir et je suis heureux de trouver que je ne m'étais pas trompé. Vous avez commis un acte détestable, mais ne suis-je pas prêtre et n'ai-je pas répudié les choses de ce monde ? Et conviendrait-il à mon caractère de vous garder rancune ? Repentez-vous donc et quittez les voies mauvaises où vous vous êtes engagé. Vous voir agir ainsi sera pour moi le comble du bonheur. Soyez tout à la joie maintenant et regardez-moi en face. Vous verrez que je suis réellement un homme vivant, en chair et en os, et non un démon vengeur venu pour vous tourmenter. » Voyant qu'il n'avait point affaire à un spectre et profondément touché de la bonté du religieux, Tokubei fondit en larmes. « en vérité, répondit-il, je ne sais que dire. Dans un accès de folie, j'ai succombé à la tentation de vous tuer et de vous voler. Mais comment avez-vous fait pour en réchapper et comment se fait-il que vous soyez encore en vie ?» « Un coupable, dit le religieux avec un sourire, tremble au moindre souffle du vent, au plus léger claquement de bec de la cigogne. La conscience d'un meurtrier trouble ses facultés au point de lui faire voir ce qui n'est pas. La pauvreté, mauvaise conseillère, pousse un homme à des actes criminels dont il se repent dès qu'il est riche. » Comme elle est vraie la doctrine de Moshi, Mengtse, le Mencius de nos missionnaires chrétiens, un des premiers philosophes chinois après Confucius. Comme elle est vraie la doctrine de Moshi, qui dit que le cœur de l'homme, honnête par nature, se corrompt sous l'empire des circonstances. » Ainsi parla le religieux, et Tokubei, qui depuis longtemps se repentait de son crime, implora sa miséricorde et lui donna une grosse somme d'argent en lui disant « La moitié de ceci est le montant de ce que je vous ai volé il y a 3 ans. Je vous prie d'accepter le surplus à titre d'intérêt ou comme un don de moi. » Le religieux refusa d'abord l'argent, mais Tokubei insista pour le lui faire accepter. Il fit aussi tout au monde pour le retenir, mais ce fut en vain. Le religieux poursuivit sa route et donna l'argent aux pauvres et aux nécessiteux. Quant à Tokubei, il se rétablit rapidement, et désormais il vécut en paix avec tous les hommes, respecté chez lui et au dehors, n'ayant plus que de bonnes pensées et ne s'occupant plus que de bonnes œuvres. G.S.